J'connais des tueurs, tu trouveras. Un ennemi mort, c'est la tranquillité. Un gosse, une grosse qui dépasse de la douleur. Apprends que le respect passe par l'humilité. Des tueurs, tu trouveras. Putain, tire, on va parader, j'en veux pas un râle. Sur un banc, j'ai grandi, là je vais rue parader. J'passe le bras au piano, dans mon catrano. Encore un son déclassé, j'en ai pour les poudres. Y'a des bitches, on va cramer, j'suis que de passage. J'viens du trou du cul d'en bas, moi, nous on a ramé. On prend mon cobra, on compose un syndic. Mon gang sans l'aura, ouais, les manos sali. Dieu tout blague, j'reprends ton râle. Et comme l'antéchrist, là c'est plus comme avant, j'suis en barbe, elle faut qu'un assiste. Un ref a pris 15 années aux assises. T'as le choix, jugé par 12 ou porté par 6. Client dans un trip, j'encaisse avant l'audit. On a plus d'âme et tu sais déjà qu'on est maudit. J'ai perdu des potes, j'ai même plus les photos. Mon baron s'appelait autre, il aimait pas les poudres. Mon pote on gravit, on s'arrose. Ici tout pour la famille, cosa nostra. Cœur en place, rappelle-toi l'incendie. Les gens j'aime, table à mille, je sais qui m'envie. Le sun s'est levé, je ne dormais pas. Ces pierres précieuses en témoignent. Le ciel s'éclaire avec ou sans tort. Je la quitterai si mais avec je m'en sépare. Même si on arrête là, ça n'arrête pas. On kiffe et on n'arrête pas. Une seule vie donc le temps presse. Le temps presse et le ciel nous fait des dessins. Je tourne en ville farette, les films ont déteint. Nous on prend la haine, on t'éteint. La scène s'est levée, je ne dormais pas. Y'a rien à qui, personne ne m'a promis demain. Et te faire mourir, j'ai 10 000 façons, là c'est la moisson. On va te ligoter comme un saucisson. J'oublierai pas mes racines, sous Prométhasine. Éteins tes putains de pharaoh Hadzi, là t'es pas à Aldi. Ma mère vise aussi bien au 38 qu'elle écrit Obic. Mes rayés ont des regards innocents, ils ouvrent des coffres au plastique. J'ai digéré les plus jolies, puis ça me fout plus la trique. Avant de voir Saint-Nicolas, je me ferai bien un flic. Personne où on est armé, je n'ai hargne. Je vole au-dessus d'un nid d'oiseau, je sais pas lequel épargne. Y'a rien aujourd'hui, entreprise, t'as mon gab. Ils sont sortis ni vendredi ni samedi, je suis mieux devant la ligne. Tu me verras plus grand starco, et en poster. Je suis pas dans leur délire de all-star, je suis moi et ma paire. Température à gain, d'un script comme un Stuttgart. Mon chance dans son fourreau comme Zelda, génération shootstar. Fils de pute, on a grandi. Donc ton trou de balle s'agrandit. J'ai perdu des potes, j'ai même plus les photos. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Le sun s'est levé, je ne dormais pas. Ces pierres précieuses en témoignent. Le ciel s'éclaire avec ou sans tort. Je la quitterai si mais avec je m'en sépare. Même si on arrête là, ça n'arrête pas. On kiffe et on n'arrête pas. Une seule vie donc le temps presse. Le temps presse et le ciel nous fait des dessins. Je tourne en ville farette, les films ont déteint. Nous on prend la haine, on t'éteint. La scène s'est levée, je ne dormais pas. Y'a rien à qui, personne ne m'a promis demain. Ça n'arrête pas, on kiffe et on n'arrête pas. Le temps presse et le ciel nous fait des dessins. Je tourne en ville farette, les films ont déteint. Nous on prend la haine, on t'éteint. La scène s'est levée, je ne dormais pas. Y'a rien t'en a qui, personne ne m'a promis demain. J'connais les tueurs.